Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans À l'affiche, épisode numéro 8 qui sera consacré aujourd'hui au film Bienvenue à Gattaca. Dans un avenir pas si lointain, notre ADN déterminera notre vie. Une infime goutte de sang, un peu de salive, un simple cheveu définiront où vous pouvez travailler, qui vous devez épouser, ce que vous serez capable d'accomplir. Dans une société où la réussite est déterminée par la science, divisée par les critères de perfection, la seule chance d'un homme... Comment espères-tu réussir? Je ne sais pas exactement. ...est de cacher sa propre identité. C'est le dernier jour où tu vas être toi et où je vais être moi. En empruntant celle d'un autre. Crois-tu que tu ferais ce que tu fais si tu n'étais pas qui tu es, ce que tu es? Ils vont me reconnaître. Ils ne te reconnaîtront pas. Je sais qu'ils vont me reconnaître. Moi, je ne te reconnais pas du tout. Ils vont me retrouver. Mais quand une seule cellule de n'importe quelle partie de votre corps peut vous trahir, comment se cacher? Alors que nous perdons 500 millions de cellules par jour, Ethan Hawke, Uma Thurman, bienvenue à Gattaca. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans À l'affiche, épisode numéro 8, qui est consacré aujourd'hui au film Bienvenue à Gattaca. Alors, merci à tous pour avoir les retours sur les émissions précédentes, notamment, n'hésitez pas à aller jeter un une oreille sur la dernière qui était à propos du film Mad Max Fury Road, film qui est toujours en salle au moment où on enregistre cette émission. Mais rassurez-vous, vous n'allez pas m'entendre parler pendant une heure de ce film. Je ne suis pas tout seul, donc on va commencer par les nouveaux dans cette émission. Alors bonsoir Dino. Bonsoir Aziz, bonsoir tout le monde. Et puis on va également, j'ai également invité un autre compagnon de podcast, c'est Seven. Bonsoir Seven. Bonsoir Aziz. Et puis on retrouve, on peut dire presque co-animateur, parce qu'il est tout le temps là. Bonsoir Steph Carr. Oh non. Bonsoir Oasis, bonsoir Dino, bonsoir Steven. Oh non. Ah si, pas le choix. Bonsoir Steph Carr. On avait dit pas Steph Carr. Je crois que maintenant, au vu du nombre de fois où il est là, je pense qu'on peut le dire. On peut presque le dire, c'est même plus un secret pour, c'est un secret pour personne. Mais tu lui as envoyé les huissiers, rien? Ah non, c'est... Si tu peux, hein. Ouais, mais mon huissier est meilleur que le sien. Non, je m'accroche, quoi. Je tiens les racines et tout. J'ai des photos et tout. Il peut pas me lâcher, vas-y, c'est fini. Alors, avant de commencer à traiter le sujet, j'ai une petite annonce à faire à propos de l'émission. Donc, comme vous le savez, le dernier week-end d'août, l'équipe de Podchose organise le 27 sur 24, qui commence le samedi de 6h et qui finit le dimanche suivant à 9h. Et durant cette émission, on peut dire, ils organisent les Pod Radio Podcast Awards, où les auditeurs peuvent voter pour les podcasts auxquels qu'ils aiment bien. Et à l'affiche, j'y ai inscrit le podcast à l'affiche, donc pour l'instant, ce n'est que la phase d'inscription, mais n'hésitez pas à venir voter quand la phase de vote sera ouverte, c'est-à-dire du 15 juillet jusqu'au 15 août. N'hésitez pas. Ouais, c'est ça, du 15 au 15. C'est ça. Ouais. Gamecraft, il est aussi présent. Kenton a fait l'annonce dans la dernière émission. Donc, ouais. Je vous ferai plein de rappels, hein, vous inquiétez pas, mais mettez ça dans un coin de votre tête et n'hésitez pas à venir voter quand vous serez sur la page. Autrement, c'est... Bon. On va en profiter pour s'excuser auprès de Seven et Dino, c'est qu'on va vous écraser lamentablement, mais bon. Non, mais moi, j'ai du mal à croire. Malheureusement, il faut fournir un extrait et c'est-à-dire que moi, j'ai pas le courage de prononcer dans On a chamé les endives pour pouvoir trouver des extraits potables, alors. T'as caché pas qu'un extrait dans On achève bien les endives, ça dure bien au moins une heure, quoi. Mais ouais. Au début, je voulais faire des bandes annonces et puis j'ai dit non, j'arrête. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet de ce soir. Donc, le film de ce soir est le film Bienvenue à Gattaca. Film sorti le 28 avril 1998 en France. Durée de 106 minutes. Le réalisateur est Andrew Niccol, produit par Columbia Pictures, avec comme acteurs principaux Ethan Hawke, Uma Thurman et Jude Law. Ah, Uma Thurman. Ah ouais, des acteurs... Et truc à la con, mais je l'ai vu dans une bande-annonce pour un film il y a pas longtemps, je me suis fait « Ah oui, c'est vrai, c'est un acteur connu », parce que le nom me disait quelque chose, mais je l'avais jamais vu ailleurs, en fait. Ah mais Jude Law, c'est terrible. C'est-à-dire, c'est terrible. Bah, là, tu prends par exemple, c'est son « Bienvenue à Gattaca », c'est son premier film. C'est surtout un comédien de théâtre, et c'est un très bon comédien, il est très bon dans le film. Mais après, oui. Il s'est un peu perdu dans sa carrière, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, Jude Law, c'est un peu difficile de trouver un bon film. Je crois que le pire, c'est que peut-être son meilleur film, c'est Bienvenue à Gattaca. Alors ouais. Pourtant, c'est pas le rôle principal, non. Pourtant, mais c'est ça le pire. Et un autre truc, une remarque... Ah, il a un peu le rôle principal, c'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu ambigu, on en parlera dans très peu de temps. On pourrait faire un résumé du film, les gars. une autre petite remarque par rapport à... Je l'ai vu tout à l'heure, donc une bande-annonce avec Jude Law dedans. Il vieillit pas, ce mec. C'est-à-dire que le film de 98, c'est il y a presque 20 ans maintenant... Et il prend pas une ride, en fait, hein, dans le... C'est parce qu'il a été génétiquement modifié. c'est presque ça. En fait, c'est pas un film, c'est un documentaire. C'est un peu ça. Alors, vous l'avez compris, l'histoire est assez corsée, assez sympathique. Et donc, bah, vous en avez déjà eu un premier aperçu dans la bande-annonce que vous avez entendue au début de l'émission. Mais... Steph Core a préparé un autre petit résumé un peu plus sympa sur lequel on pourra réagir et débattre un peu plus tard. Steph Core, c'est à toi. D'accord, alors je vais vous faire le petit résumé de Bienvenue à Gattaca. Alors, dans un monde futuriste, on pratique l'eugénisme. Les gamètes des parents sont triées et sélectionnées afin de concevoir in vitro des enfants ayant le moins de défauts possible et le plus d'avantages possible. Bien que cela soit officiellement interdit, les entreprises et employeurs recourent à des tests ADN discrets afin de sélectionner leurs employés. Les personnes conçues de façon naturelle se retrouvent reléguées à des tâches inférieures. Vincent, enfant conçu naturellement, qui rêve de partir dans l'espace, rentre à Gattaca, qui est un centre d'études et de recherche spatiale pour des gens au patrimoine génétique impeccable. Comment Vincent a-t-il pu y être engagé? Grâce à Jérôme, dont Vincent endosse l'identité. Jérôme, candidat génétiquement idéal, voit sa vie détruite par un accident. Chacun des deux protagonistes va permettre à l'autre d'obtenir ce qu'il souhaite en déjouant les lois de Gattaca. Voilà. Donc, si vous avez rien compris au résumé, c'est normal. L'histoire est quand même très, on va dire, ouais, compliquée, surtout à expliquer. Même pour la petite anecdote, Steph Core et moi avions déjà enregistré une première émission sur Bienvenue à Gattaca. Sauf qu'on a, vous l'entendrez jamais, ou peut-être un jour, on ne sait jamais, mais jamais sans doute. On ne jamais dire jamais. Parce que non, mais même torture et tout, on a détruit les fichiers, brûlé les PC. Ah non, j'ai encore les 15 premières minutes de montée, mais ça ressemble à rien. Mais juste pour vous dire, on s'était quand même repris à 3 ou 4 fois pour résumer l'histoire, et encore au bout de 4 fois, ça ressemblait à rien. Exactement. C'est vrai que c'est pas évident, même dans le film, il y a une voix off qui nous explique tout au début. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est justement, moi je trouve que l'histoire est très simple. L'histoire en elle-même est très simple. L'histoire d'une revanche, etc., c'est très simple. Ce qui vient complexifier un peu le truc et ce qui fait que c'est expliqué au début pour un peu de... C'est toute cette histoire de génétique et compagnie. Voilà, c'est le gros morceau qui vient complexifier un peu la chose. Mais en fait, quand on regarde le film, pour un film qui est sur le sujet de la génétique, en fait, l'histoire est archi simple. Ça pourrait être une histoire sur n'importe quel sujet de discrimination. Ça pourrait être sur la discrimination raciale aux États-Unis ou tout autre sujet. Ça serait la même histoire et ça serait plus simple à comprendre, je pense. Ah oui, c'est sûr que quand tu regardes le film, t'es pas perdu, t'as pas besoin d'aspirine pour comprendre l'histoire, c'est plutôt bien expliqué. Donc on suit Vincent, qui est incarné par Ethan Hawke, et on suit toute son enfance, tout ça, et on suit la construction du personnage, et l'histoire va avec, ce qui fait que quand on arrive dans le vif du sujet, on est... Peu importe que tu aies suivi même d'un œil, t'es pas trop perdu. C'est plutôt bien fait quand même. Non, le scénario, la réalisation, le montage, ouais, font que on suit le fil de l'histoire sans le moindre problème. Mais c'est vrai que, comme disait Dino, c'est vrai que l'introduction du phénomène, ouais, bah, de la génétique vient, lorsqu'on l'explique simplement oralement, à complexifier. Mais le film, ça reste. Ouais, tout à fait. Mais c'est d'ailleurs, moi, ce qui me. Quand j'ai regardé le film, là, moi, j'avais déjà vu il y a 7-8 ans. Voilà, je l'ai revu, donc là, pour le bienfait de l'émission. Et je ne pouvais pas m'empêcher de faire la comparaison avec Inception. J'ai détesté Inception pour tout un tas de raisons que je trouve que c'était abordé plein de c'était prendre quelque chose d'hyper passionnant, un sujet hyper passionnant, mais le simplifier, mais tout en abordant plein de petits points sur le rêve et compagnie qui étaient intéressants. Là, l'intelligence du film, c'est que c'est un sujet où on peut vite effectivement ouvrir des portes. Et d'ailleurs, moi j'ai le DVD, donc j'ai vu les scènes coupées, et dans les scènes coupées, il y a beaucoup de scènes qui ont été coupées qui ouvrent des portes sur la génétique, sur les conséquences de la génétique, et qu'en fait ils ont au montage ils ont retiré pour vraiment rester sur quelque chose qui véhicule un message qui soit intelligible et qui n'ouvre pas plein de portes et du coup qui te laisse pas sur ta faim. Moi je suis resté sur ma faim face à Inception, ce qui est pas arrivé sur Bienvenue à Gattaca. Donc voilà, c'est là pour moi c'est l'une des forces du film. Bah tu vois, moi c'est l'inverse, exactement l'inverse. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire qu'Inception, il nous explique grosso modo tout de A à Z, et je trouve que bah justement on reste en haleine avec la dernière image de fin avec la toupie, alors que dans Bienvenue à Gattaca, ils expliquent pas tout, et on aimerait bien en fait qu'ils approfondissent justement le sujet de la génétique un peu plus loin, quoi, je sais pas. Le problème, c'est que dans Inception, ça n'approfondit pas. C'est-à-dire qu'il y a plein, je prends toujours l'exemple, c'est à un moment donné dans Inception, il parle de l'addiction au rêve. L'addiction au rêve, c'est juste, ça fait quoi? Ça fait 10 secondes, et alors que c'est hyper passionnant et que tu voudrais voir plein de trucs, et moi, c'est un film que j'ai regardé, à chaque fois, je me dis, tiens, ça c'est intéressant, et derrière, j'étais déçu parce que c'était pas plus développé. Donc à la limite, quitte à ce que ce soit pas développé, c'est pas plus mal de ne pas l'aborder et de rester sur une histoire qui effectivement, voilà, il y a pas cette dimension à la fin, il y a pas de cliffhanger à la fin, il y a pas de moment où tu vas réfléchir pendant 10 ans à comment est-ce qu'est la fin, etc. Pourquoi ça se finit comme ça? Là, la fin, elle se finit comme ça parce que c'est logique. Le film est d'une logique incroyable. Bienvenue à Gattaca, c'est même pas un film d'anticipation, c'est un film de quasiment de pédagogie sur le voilà, c'est-à-dire que c'est très bien écrit, c'est très épuré, c'est à l'image du film en fait. Non, moi j'ai adoré dans Gattaca, c'est qu'il y a un point final au film, et justement sur la société haute, il nous montre les grandes lignes et j'essaie pas d'y aller en profondeur. On a la compréhension du monde futur et de la sélection génétique. Ils font des petits points de rappel, des petits points même sociétal sur quelle est vraiment l'importance de la génétique et la sélection génétique au sein de la société, mais ils vont pas plus loin parce que au final on suit une histoire et ils restent focalisés sur l'histoire, et je trouve ça très bien. Dans Inception, je trouve justement que il tente de diluer une histoire dans ce monde on peut pénétrer les rêves. Donc ils essaient d'entremêler les choses, ce qui fait que au final on se perd parce qu'on se pose trop de questions sur ce monde justement de rêves accessibles. Et on suit un petit peu moins l'histoire. Justement, moi je m'attends plus à avoir un point final, et Gattaca, je trouve que c'est très intéressant sur ce point-là. On parsème de petites choses sur la société, sur le système, mais on focalise sur l'histoire principale et sur les personnages. Mais je parlais de deux scènes qui ont été coupées et qui montrent bien cet effet-là. Alors je vais me permettre, de si ça te dérange pas, Aziz, vas-y. Il y a une première scène au début du film, c'est une scène où donc on a les parents de Vincent qui ont déjà eu Vincent et qui veulent faire un deuxième enfant, et donc Vincent a été diagnostiqué à sa naissance comme ayant, il va mourir à 30 ans et 2 mois, il a des chances d'être, enfin il a tout un tas de défauts, voilà. Ils établissent tous les ils définissent plein de pourcentages, voilà. Plein de probabilités de mort en fait, avec des pourcentages plus ou moins élevés, et ils donnent même le jour de sa naissance une estimation sur son âge de mort qui est d'une trentaine d'années, il me semble. Ouais. 30 ans, 2. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est le chiffre qui m'a marqué. Et donc, il y a cette scène où, pour faire leur deuxième enfant, là, ils ont décidé d'aller voir un généticien qui va, entre guillemets, permettre de gommer les maladies. Et la scène, au début, c'est ça. C'est le médecin qui leur dit, on a quatre ovocytes. Il y en a deux garçons, deux filles. Les parents disent, bon, bah, nous, on préférait un garçon, on voudrait un petit frère, ok, donc ça part sur ça. Et puis le médecin commence à leur dire, oui, donc j'ai retiré la calvitie, j'ai retiré la proportion à la violence, etc. Et à ce moment-là, on a la mère qui dit, ouais, mais nous, on voulait juste retirer les maladies, on veut quand même qu'il y ait une part d'inconnu. Puis le médecin arrive en leur disant, oui, mais après tout, quitte à retirer, autant retirer ça, retirer ces défauts-là, il gardera son originalité. Et la scène s'arrête là. Et quand on regarde les scènes de fin, ça va un peu plus loin, parce que vous avez, à un moment donné, le médecin qui les pousse, c'est-à-dire que c'est un peu, c'est quasiment naturel, qui commence à leur dire, si vous voulez, c'est la mère d'ailleurs qui commence, je dis une bêtise, c'est la mère qui commence en disant, oui, on a quand même une petite question, est-ce que si on aimerait avoir des petits-enfants, est-ce qu'il va se marier, est-ce qu'il va avoir des petits-enfants, le médecin dit, je m'en suis occupé, et puis il leur dit, grosso modo, si vous voulez, pour 5000 dollars de plus, je peux aussi faire en sorte qu'il devienne un grand musicien. Voilà. Et cette scène-là, j'ai envie de dire, heureusement qu'elle est coupée, parce qu'elle ouvre une piste qui est la commercialisation, la génétique, etc. Et qui te distrairait en fait dans le fil rouge qu'il essaye de mettre en place et qui viendrait te faire sortir du film. Et il y a une deuxième scène comme ça qui avec le directeur qui fait un discours, donc c'est un établissement scientifique et un directeur, et donc c'est des missions pour aller sur des planètes, et la mission dans laquelle doit participer le héros doit aller sur Titan. Et on ne sait pas vraiment dans le film pourquoi Titan, etc. Et on a une scène qui a été coupée qui montre le directeur expliquant qu'en fait ils vont aller sur Titan parce que ils pensent y trouver les origines de la vie, mais qu'en même temps, pour pouvoir supporter le voyage sur Titan, ils sont obligés, entre guillemets, de créer des surhommes pour supporter le voyage, donc du coup d'intervenir sur la génétique. Et là, tu sens venir à un débat sur la vie et compagnie, et vraiment, tu dis, il y a des choses hyper intéressantes. Donc moi, quand j'ai vu la scène, je me suis dit, c'est dommage, c'était dommage de la couper, mais en même temps, tu dis, dans l'intérêt du film, c'est pas plus mal de la couper, parce que tu restes sur un film qui est contrôlé, qui a un fil rouge, et qui fait pas que t'ouvrir des portes, quoi. Tu restes vraiment dans le film, et t'es prisonnier de la vision du réalisateur, et c'est ce qui est intéressant dans les films. C'est vrai que c'est... Tel que tu le décris, c'est des scènes qui sont intéressantes, mais l'histoire en elle-même, ça se focalise vraiment sur Vincent, un petit peu son entourage, mais ça reste quand même très centré sur lui, en fait. Après, les comment dire, son entourage, au début, on le suit avec ses parents, parce qu'il est, on suit son enfance. Et après, son entourage avec Irène, avec même son frère qu'on voit, puis qui se barre, et puis même Jérôme, hein, qui va prendre la place dans la société, c'est quelque chose qui est assez qui l'aurait un peu éloigné le spectateur, alors que là tu restes vraiment focalisé sur Vincent et t'es pas distrait pour l'entourage. C'est quelque chose qui est quand même plutôt bien fait. En plus, on voit pas toute la scène du début, là, la présentation. J'avais vu le film il y a pas très très longtemps, mais je l'ai revu pour l'émission, et je me suis dit, ça va me faire chier de revoir l'installation de l'histoire, en fait, où quand on t'explique tout le fonctionnement de la société avec tout ce choix des caractéristiques de l'enfant, je me suis dit, c'est bon, on connaît le truc. Tu vas des fois, quand tu vois un film où tu connais déjà la scène principale, tout ce qui va apporter, tout ce qu'il y a avant, tu te fais chier. Et ben là, non, parce que c'est, je sais pas, c'est bien réalisé, c'est bien monté, il y a quelque chose qui l'installe plutôt bien. Bah, c'est parce que c'est le point de vue, justement, de Vincent qui est raconté. Comment ça, point de vue de Vincent? Bah, c'est sa voix off. Ça me dirait la voix off. Alors, c'est lui qui raconte, en fait. Bah, la voix qui explique. Oui, c'est lui qui raconte, c'est de son point de vue. C'est pour ça aussi. Ah oui, pardon. oui, exact. Puisque justement, nous, en ce qui me concerne, en tout cas, je suis pas né de manière purement génétique, je suis, comme ils disent dans le film, dégénéré. C'est génial. Et du coup, je sais pas, mais je me mets à la place de Vincent, moi, quand il me raconte son histoire. Je me dis, oh putain, ouais, c'est vachement intéressant, et c'est dommage pour lui. Mais c'est pour ça que c'est faussement, en fait, un film sur la génétique. Quand on regarde, le sujet de la génétique, tout le contexte est très vite évacué dès le début, justement parce qu'il explique son histoire. Mais c'est un film sur la revanche d'un homme dont on dit qu'il réussira rien, et qu'en fait, on va pas spoiler la fin, mais il va. Hein. Il va tout réussir. C'est aussi l'histoire d'une rivalité entre un frère, un mec qui se reforme en quelque sorte une sorte de famille avec le vrai Jérôme et avec Irène. Enfin, voilà, c'est plus ces histoires-là. Mais finalement, la génétique, elle intervient très très peu. C'est juste un décor de fond. On pose les bases de la génétique, en fait. On pose les bases pour l'histoire, la vraie histoire, on peut dire, en fait. Je rejoins Seven sur le fait que ouais, parce que on nous raconte vite fait les bribes de la génétique, et après le scénariste comme le réalisateur, on se focaliser sur Vincent, et qu'on arrive nous à se mettre à la place de Vincent en disant nous pauvres dégénérés, qu'est-ce qu'on ferait à sa place, et on se dit que est-ce qu'on aurait le courage comme lui d'aller contre la société, tous les risques que ça lui pose pour atteindre son rêve. Et de simuler cette perfection génétique qu'il n'a pas pour aller jusqu'à son rêve. Et en même temps, on a la réussite, entre guillemets, de Vincent, et de l'autre côté, on a aussi la déchéance de Jérôme. On a les deux confrontations. On pourrait envier les personnes, justement, génétiquement modifiées qui sont dans la réussite, mais dès que tu as la moindre petite chose dans la vie qui t'arrive, la moindre petite déception, on se retrouve avec le cas de Jérôme, qui était appelé à être, entre guillemets, un élu, un être parfait, et qui se retrouve coincé, je sais pas si on peut spoil, mais il se retrouve coincé, et a pu pouvoir justement exploiter ce talent, et il se retrouve dans une déchéance. J'ai trouvé l'antagonisme des deux situations vraiment, vraiment très intéressant, mais même globalement... très sympa. Je te coupe, excuse-moi, c'est d'accord, mais c'est vrai que même globalement, ce qui est intéressant, en fait, c'est que ces êtres qui sont conçus pour être parfaits, même si c'est un peu plus subtil, parce que on n'est pas vraiment dans des êtres parfaits, on est plus dans des êtres qui sont génétiquement modifiés. Tous ne sont pas parfaits. Par exemple, le personnage d'Irène, elle a des défauts qui ne l'ont pas empêché d'être intégré à Gattaca, mais elle a des défauts. Mais quand on regarde, en fait, tout le film, après effectivement cette introduction qui est un petit peu un exposé pédagogique, c'est un peu une démarche scientifique. On présente l'expérience, c'est le réalisateur qui nous dit voilà, je vais faire cette expérience, je vous présente les personnages, les différents acteurs, et puis voilà ce qui se passe. Et la deuxième partie du film, la dernière heure, on va dire, c'est ce qui se passe. C'est le déroulement de l'histoire avec l'intervention du meurtre d'un des responsables de mission, etc. Et comment tout ça va s'imbriquer et quelles vont être les conséquences. Et quand on regarde, en fait, il n'y a aucun génétiquement modifié qui est parfait, parce qu'il suffit juste d'un accident pour quelqu'un qui est génétiquement modifié devienne un paria dans la société. On a une fille, Irène, qui est génétiquement modifiée mais qui est imparfaite et qui est obnubilée par ses imperfections, voilà, et qui, quand on lui confie une mission, sa première réaction c'est de dire ouais, mais moi j'ai ma propre mission, ça va peut-être m'embêter, donc qui est pas vraiment altruiste. On a cette scène qui au bizarre fait un peu bizarre, c'est alors il passe un entretien d'embauche, et tout le principe c'est des contrôles. L'entretien d'embauche se fait juste sur un contrôle urinaire ou sanguin, je crois, et il y a une scène au tout début, c'est pas un entretien d'embauche mais c'est un test de contrôle périodique, où Ethan Hawke est obligé de faire pipi dans un gobelet. Alors il a tout un système avec des poches et compagnie d'urine qui sont récupérées du vrai Jérôme, et donc il est obligé d'uriner devant le médecin, et le médecin lui dit vous en avez une, vous avez un spécimen. Cette scène-là, elle fait sourire. Mais en fait, on se dit, le mec, il voit toute la journée des gens qui sont génétiquement modifiés. Si nous, on était génétiquement modifiés, l'un des premiers trucs, en tant que mec, qu'on essaierait de mettre au max, c'est d'être d'avoir un bel engin. Soyons honnêtes. Et là, on est face à un médecin qui voit tout. Mais il arrive à identifier des différences et à juger qu'un mec qui n'est pas génétiquement modifié est mieux proportionné que la plupart des mecs génétiquement modifiés qu'il voit. Et en plus, Bah, d'ailleurs, ce médecin, je te coupe un petit peu, mais ce médecin, à la fin, il dit une phrase à Vincent qui est assez drôle aussi, parce que justement, il tient son engin d'une certaine manière, alors que justement, les êtres modifiés, normalement, devraient le tenir d'une autre manière. Je vais pas spoiler plus, peut-être. Non, continue. Je pense qu'on a déjà, dévoilé un peu plus, un peu l'histoire, donc on peut, tu peux avancer un peu plus dans l'explication. Bah, grosso modo, il tient son engin, son spécimen, de la main gauche, alors que pour un droitier, normalement, on l'attend. Mais c'est pas forcément parce que ça l'a modifié, c'est parce que Jérôme est droitier et Vincent, le faux Jérôme, est gaucher. Et Vincent est gaucher, ouais. Ça aussi, mais voilà, c'est, là aussi, c'est l'inné et l'acquis. C'est inné chez lui, bah voilà, sur un truc tout simple. À l'épicé, il tient avec la mauvaise main. C'est ce qui fait qu'il se, ouais, il se trahit dès le début. En fait. Ouais. Mais le médecin le laisse faire, parce que ouais, le médecin donne l'explication à la fin et tu dis que même pour le, comment dire, le médecin, ça reste, comment dire, même Vincent qui est un exemple entre guillemets pour nous, même dans le film, on nous dit à la fin, bah, il a été aussi l'exemple pour d'autres personnes durant le film. Je laisse cette petite partie non spoil, hein, si vous comprenez pas, regardez le film, mais j'ai trouvé ça aussi joli, quoi. Te dire à la fin du film, ouais, vous n'avez pas été simplement, il n'y a pas que vous qui vous êtes identifié dans Vincent, il y a aussi des gens en contact de Vincent qui ont pu prendre l'exemple de ce qu'il a fait, quoi. Et ça renforce ce petit côté d'accroche au film. Je trouve qu'il est très malin d'essayer ça un petit peu partout, quoi. Bah, ça rend le fait qu'on est tous admiratifs devant Vincent et devant ce qu'il a fait. Exactement. C'est un peu, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Pour en venir un petit peu sur le fait, le système de triche, c'est donc pour vous mettre un peu dans le contexte, on l'a déjà dit, c'est donc Vincent qui va devoir prendre la place de Jérôme, mais toujours sous l'identité de Jérôme. Donc pour cela, il va devoir trafiquer tout ce qui est les contrôles d'urine, même son sang, même ses vêtements. Il va devoir essayer d'enlever toutes les petites peaux mortes qu'on peut semer un peu partout, parce que c'est une société où, donc, bah, vu que tout est contrôlé génétiquement, dès qu'il y a un événement important, et bah, un peu comme on le fait maintenant, mais là c'est encore plus impressionnant, j'ai trouvé, c'est que quand on a un crime, on relève tous les événements, toutes les, comment dire, plein de pièces à conviction, en fait. Et ce qui se passe, là c'est pareil, sauf que le problème, c'est que vu qu'après tout le monde est fiché, si on relève un cil du vrai Vincent, il va se faire griller et c'est fini pour lui. Donc on va avoir tout un système avec des poches d'urine pour quand il va aller voir pisser, du sang pour quand pour la badgeuse à l'entrée du travail, même si la méthode est un peu biaisée, c'est-à-dire que c'est en soi, c'est une forme de discrimination, c'est-à-dire que dès le départ, l'enquête, c'est on va aspirer tout pour trouver des traces biologiques. Il se trouve qu'il y a un là, c'est les valides et les non valides. Les valides, c'est ceux qui sont génétiquement modifiés, et les non valides, ce sont ceux qui sont pas modifiés naturels, qui sont peut-être ratés aussi. Je pense que dans le lot, il doit y avoir ceux qui sont ratés. Et automatiquement, le suspect, c'est le non valide. C'est-à-dire que personne se dit, ça se trouve, c'est peut-être dans les autres. Non, on prend tout. Si on a un truc non valide, c'est forcément sur lui qu'on va jeter la suspicion. Donc c'est aussi un film, en fait, sur la discrimination. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, pas totalement, puisqu'en fait, c'est un peu logique. Tu rentres dans un espace où justement il n'y a que les valides, les génétiquement modifiés, qui ont le droit d'accéder à cet endroit. Non, puisque les hommes d'entretien. À part les hommes d'entretien, mais justement, ils sont là pour tout nettoyer. Là, normalement, c'était une personne qui était, dont la présence était non justifiée dans l'endroit. Donc c'est elle qui a été qui a été prise en suspect, qui semble un petit peu logique. Ils ont quand même fait un gros raccourci sur lors de l'enquête, en fait. Ils sont même pas cherché à comprendre est-ce que ça pourrait être un vali qui a fait qui a pété les plombs ou quelque chose comme ça. C'est on cherche pas de questions, il y a une pièce à conviction, un truc qui a appartenu à un invalide, c'est lui forcément. C'est même dans la méthode d'investigation, on fait confiance avant tout à la science. C'est-à-dire que le premier réflexe d'un inspecteur, c'est de se demander à qui profite le crime, etc. Là, personne ne se pose la question. Ça vient après. Le premier réflexe, c'est on aspire tout. Voilà, on passe un gros coup d'aspirateur. On passe tout ça à la moulinette et puis on va trouver déjà des potentiels suspects. Alors que les questions quand même fondamentales, au départ, c'est quand même de se demander qui est la victime et d'établir la liste des suspects par rapport au mobile du meurtre. Là, le mobile, il n'existe même pas. Il existe. D'ailleurs, il n'existe tellement pas que le meurtrier, à la fin, son identité nous surprend pas vraiment parce que c'est l'un des potentiels qu'on a, nous, dans, je pense, dans nos têtes dès le début. Mais voilà, c'est la méthode déjà de base. C'est pas forcément son résultat. Le résultat, oui, très, très vite, ça s'impose que ce soit Vincent qui est suspecté. Mais la méthode qui est de dire, voilà, on va faire une grande analyse. C'est aussi la tendance de la police scientifique qui s'appuie sur des preuves sans forcément les relier. Et avec une opposition entre deux policiers, en plus, parce qu'il y a aussi l'opposition entre deux policiers dans le film. Deux policiers avec un qui... Et lui, voilà, il a la preuve génétique, pour lui, c'est le coupable et compagnie. Et un autre policier qui essaye d'un peu plus de trouver le mobile, les raisons, et qui est un peu plus dubitatif sur, sur la culpabilité de la personne. Je dis, en fait... Puis il y a quelque chose, pardon de te couper, Stéphane, mais moi, il y a quelque chose qui, à en parler et à repenser à cette scène-là, me choque un peu, entre guillemets, c'est sur la scène du dit crime, où il trouve justement cette pièce à conviction de l'invalide, il cherche même pas à se dire est-ce que ça pourrait être un autre invalide, c'est parce qu'au final ils font fausse route pendant une bonne partie du film, même si c'est dans l'intérêt de l'histoire derrière, ils font quand même fausse route et au final on en oublie presque après que ça pourrait être quelqu'un d'autre en fait. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Même si ça sert l'histoire, parce qu'au final, on reste focalisé sur Ethan, Vincent, pardon, et tous les efforts qu'il va faire pour atteindre son objectif à la fin du film. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé assez surprenant qu'on prenne même pas le temps de se poser, de se dire est-ce qu'on a bien tout avant d'essayer d'avancer un peu plus dans l'histoire. Dans l'enquête. Moi, ce qui m'étonne, c'est que justement, dans la période actuelle où est-ce qu'on est, on est déjà dans ce mode-là. Le nombre d'affaires, je sais pas, j'ai parlé juste d'un petit cas, le mec il est pris en autostop, il grille une clope dans la voiture du mec, tac tac, il arrive quelque chose de mal à la personne qui t'a justement pris en autostop, on va faire un relevé d'ADN. Par pas de chance, t'as été comment dire, fiché. On va te choper en premier, direct. Les flics, le premier suspect, ça sera toi. Tu rencontres une jeune fille un soir, t'as une relation. Attends. Bah, c'est pas que le premier suspect, c'est aussi le premier témoin. T'inquiète, quand t'arriveras. Mais quand t'as droit, ça sera premier suspect. Tu rencontres une fille un soir, t'as une relation intime avec elle, il lui arrive quelque chose un petit peu plus tard, on retrouve des traces génétiques de ta part, la police, elle va te choper, premier témoin, premier suspect. On l'est déjà dans ce monde-là. Et à l'époque où... Mais ça, c'est justement j'ai envie de te dire, Steph Carr, c'est le propre de toute enquête. C'est-à-dire que oui, on est dans ce monde-là aujourd'hui, mais je pense que même au Moyen-Âge, quand tu avais un mec qui volait une orange chez le marchand, petite pensée à nos amis chanteurs polonais qui ont gagné, enfin, qui ont même pas gagné la Starac 1, on ne veut même pas en parler. Pourquoi cette digression, je ne sais pas. Mais voilà, quand tu avais un mec qui commettait un vol, dès que tu trouvais un suspect, c'est évidemment sur le suspect que tu concentres tes efforts, ne serait-ce que pour savoir si c'est bien lui ou pas. Après, tu repositionnes des éléments d'enquête, mais c'est le propre de toute enquête. La génétique. Aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'on arrive plus facilement à identifier les suspects. Oui, mais justement, comme tu disais, la génétique pousse à trouver directement la première, à cibler directement la personne. Le dérivé sur le type de la personne, comme là sur une personne non génétiquement modifiée qui est prise en premier suspect, moi, sincèrement, ça m'a pas si étonné que ça, quoi, parce qu'elle devait pas être présente sur la scène du crime. Mais elle devait pas être là. Je pense que c'est, une problématique de positionnement. C'est-à-dire que c'est surtout que on est dans un monde, encore une fois, on est dans un monde où la génétique, je parle du film, où la génétique et la science est supérieure. Et donc, forcément, dans l'enquête, et c'est ce qui est aussi la force du film, c'est que même l'enquête, la science est reine. Au point même que le plus ancien des inspecteurs se fie que à la science et à aucun moment donné, c'est pas de lui que vient éventuellement, il y a d'autres pistes. Non, lui, il veut le trouver, il fait des tests, etc. Sa seule arme, c'est la science. Donc, c'est qu'on est déjà dans un processus d'enquête où l'inspecteur n'est plus... Alors que cet inspecteur-là, visiblement, lui, n'est pas modifié. Le plus ancien, visiblement, n'est pas modifié. Mais voilà, il est complètement, entre guillemets, asservi par la science. Et donc voilà, c'est au service du film et de ce que, j'ai pas envie de dire dénonce le film, mais de ce que met en scène le film. Non, tout à fait. Bah, c'est pour en même temps mettre une, scénaristiquement, c'est pour mettre une pression, qu'on dirait un handicap à Vincent, est-ce qu'il va réussir ou non à aller jusqu'au bout, on pouvait pas avoir simplement un déroulé. C'est vrai que moi j'ai trouvé que cette scène était un petit peu rapportée dans le fait de mettre une pression supplémentaire à Vincent et à sa réussite, mais j'ai pas vu tant que ça, qu'après que les comme tu disais, les flics utilisent moins leur esprit utilisent plus la science. Ouais, je suis tout à fait d'accord, mais peut-être que moi quelque part ça m'a fait réfléchir à me dire que désormais on porte une telle importance à notre époque à la science, c'est aussi une chose que nous-mêmes on va devoir aller se méfier, quoi, ne pas se juger que sur la science. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que comme il y a un binôme de policiers, alors il y en a, pour faire un peu le portrait, il y en a un qui est un peu âgé, qui est joué par Alan Arkin. N'est pas le nom, Alan Arkin. Qui est le plus âgé, qui dans le style est très parce que bon, alors pour des raisons de coût, ils ont dû un peu recycler ce qui, voilà, ils n'avaient pas beaucoup de moyens pour faire le film par rapport à ce qu'on pourrait penser, mais ils n'avaient pas beaucoup de moyens, donc on essayait de faire du neuf avec du vieux. Et donc lui, il a un impair, un chapeau, il fait flic des années 50, et il est associé inspecteur, voilà, classique, ouais, détective, il est quoi. Associé à un jeune qui lui par contre est en costard cravate, qui est, semble-t-il, on a bien l'impression qu'il est génétiquement modifié, qui est le supérieur hiérarchique du vieux, hein, donc c'est ce qui laisse à penser aussi qu'il est génétiquement modifié, et c'est de lui que va venir le doute, que va devenir le doute sur les preuves scientifiques, etc., et qui va commencer à démêler un peu les choses. Donc c'est aussi le signe que, effectivement, comme tu le dis, au début on est un peu prisonnier de la science, puis après on apprend en fait à vivre avec et à se refaire des habitudes et à se méfier en fait de la science d'une certaine manière. Même s'il s'en méfie pas, je pense. Mais, Il se rebat sur son instinct, ouais, de base de détective en fait. Il est le mec là, le vieux, ça se voit que il fonctionne à l'ancienne. Il fonctionne pas à l'époque dans le film où justement la science est exacte, la science a toujours raison. Justement, et puis, je suis pas d'accord. On se pose pas d'autres questions. Le vieux, je trouve, ça pique que sur l'épreuve. Il y a la scène du test où ils font un test parce que voilà, ils ont trouvé. Ils commencent à se dire c'est peut-être un mec qui usurpe une identité d'un génétiquement modifié. Donc ils vont tester tout le monde. Et puis Vincent, enfin le faux Jérôme, arrive par un subterfuge. Arrive à passer le test. Donc tout le monde passe le test, il a trouvé personne. Plutôt que de se dire on va réfléchir, non, le mec il redemande un test, il insiste pour refaire un test, qu'on lui refuse parce que ça va faire chier tout le monde, mais il redemande un test. Donc en fait c'est plutôt, oui, le vieux pour le coup il est plutôt dans des méthodes, il est un peu dépassé en fait par la science et donc du coup il se raccroche qu'à la science. Le vieux, il cherche pas du tout à réfléchir au reste. D'ailleurs, c'est même assez étonnant que ce soit le vieux qui se confie plus qui fasse plus confiance à la science que le jeune au final. C'est le vieux qui redemande à refaire le test. Il me semble, oui, c'est ça, ouais. Et puis, mais je trouve ça curieux parce qu'on pourrait se dire que le jeune, enfin le flic le plus jeune, il a baigné dedans depuis qu'il est plus jeune, enfin depuis vraiment qu'il est tout petit, alors que l'autre, on connaît pas son passé, mais on peut imaginer qu'il a peut-être connu une transition où avant c'était pas comme ça et maintenant c'est comme ça. Donc c'est quelque chose qui est assez étonnant. Steph Curry, en fait, c'est l'adaptation. Enfin, on le voit aujourd'hui avec l'informatique. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se mettent à l'informatique. Enfin, c'est mon métier, donc je vois beaucoup de personnes âgées qui se mettent à l'informatique et qui utilisent l'informatique, mais qui lui font une confiance totale, qui ont des comportements complètement absurdes, etc., même aussi dans les jeunes générations, mais voilà, parce que c'est la première étape et qu'ils sont pris par le coup. Mais il y a des gens aussi qui sont plus prudents, il y a une génération aussi de personnes qui arrivent, qui sont beaucoup plus prudents, parce qu'ils connaissent l'outil, ils connaissent les failles, ils connaissent les difficultés, et donc, voilà, il y a une génération, je pense que c'est notre génération, hein, 30-40 ans, qui commence à... Enfin, 30-40 ans, je pense que j'en vieillis certains. Pour deux d'entre vous seulement. Mais qui... Ouais. Pas qu'un voilà, peu, qui commence oui. aussi à avoir un peu plus de recul, alors qu'on est né avec cette technologie-là, on a un œil critique aussi un peu plus acerbe sur cette technologie-là. Les plus jeunes générations ont elles, comment dire, notre même mentalité à se méfier et à avoir un regard, parce que justement, elles ont vu les générations précédentes se brûler les ailes, comment dire, sur Internet. Certains, malheureusement, ont eu de mauvaises expériences. Et les plus jeunes générations ont tendance aussi à faire attention, beaucoup plus. Mais c'est, comme tu disais, comme on disait, il y a une adaptation qui se fait naturellement. Voilà, sur la science ou la surtout sur la technologie, on a fait tout et n'importe quoi. Maintenant, on fait attention. Et les générations précédentes, pareil. Elles, elles auront des exemples et vont naturellement se méfier en disant, attends, on a vu un tel, je sais pas, se faire voler son identité, d'autres, du harcèlement sur le net et tout. Donc, on fait plus attention à notre personnalité, à notre identité sur Internet. Et moi, personnellement, dans mon entourage, vraiment, quand je parle d'entourage jeune, c'est très jeune, quoi. Font attention. on se méfie. C'est un autre débat, mais je suis pas forcément d'accord. Ah non, mais moi je parle. Je pense que c'est plutôt génération intermédiaire. Je pense que c'est vraiment les jeunes, ils sont un peu insouciants, donc ils font tout n'importe quoi. Mais effectivement, ça fait partie du processus. C'est comme ils sont nés avec, ils sont confiants, mais ils apprennent aussi de leur expérience. Donc c'est pour ça que nous, à 20, 30, 40 ans, qui sommes nés dans l'informatique, qui sommes nés avec ces trucs-là, on apprend notre expérience et on a un peu de recul. Ce qui est, je pense, le cas du jeune flic dans le film. Et alors, pour juste revenir sur une scène qui a été coupée, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, c'est aller voir les scènes coupées, pas pour voir ce qu'aurait été le film, mais parce que les scènes coupées permettent aussi de savoir quels ont été les choix qui ont été faits et de comprendre aussi l'orientation du film. Et justement, il y a une scène où, sans révéler l'intrigue, mais le plus jeune des deux policiers est un peu partie prenante dans la grande histoire. Et voilà, et ça tombe un peu comme c'est un effet de surprise quand on le découvre, relatif en fonction des personnes, je pense, mais quoi qu'il arrive, c'est un effet de surprise. Et il y a une scène qui a été coupée, c'est une scène où le vieux flic explique au jeune qu'il a compris qu'il était partie prenante et qu'il avait démasqué. Et je pense que la raison pour laquelle elle a été coupée, c'est que ça montrait effectivement un mec qui faisait confiance à son instinct. Alors que dans le reste du film, on ne voit pas du tout, à un seul moment donné, faire confiance à son instinct. Il est prisonnier de la science, il est prisonnier des méthodes scientifiques, et il s'appuie que sur ça pour faire son enquête. Donc je pense qu'elle a été coupée pour justement vraiment rester dans la ligne du personnage, qui est un personnage qui est prisonnier de la science. Puis tout ça, est combiné avec toute une ambiance, que ce soit au niveau de... Même je parle plutôt de le contexte après de cette histoire, avec une musique qui est assez qui met un peu dans l'ambiance angoissante, avec peut-être l'image aussi où on a l'impression que qui sont tout seuls en fait, qu'ils ont les seuls robots un peu. Je sais pas si vous avez eu cette impression. Bah elles sont, c'est des voitures électriques. Elles font des bruits très bizarres. Oui, surtout, cabriolet, un bruit. Ce qui est frappant dans le film, c'est que moi, c'est ce que j'aime dans les films. J'aime quand la réalisation et les décors sont au service de l'histoire. Et là, on décrit un monde où règne la perfection, puisqu'on a des êtres génétiquement modifiés. Et le film est parfait, irréprochable. Il n'y a pas un plan qui serait à refaire. Les voitures, tu sens qu'elles ont été bien, bien polies juste avant de tourner. Il n'y a pas une poussière, elles brillent tout. Les rues sont vides. Il n'y a pas un déchet par terre, il n'y a rien. Enfin, tu sens que même dans les décors, on a été extrêmement attentif à faire des décors, même au niveau des bâtiments, c'est de l'architecture très moderne. Les voitures, il y a une déesse, enfin, voilà, c'est le comble de l'architecture un peu futuriste, mais en même temps avec des lignes très pures. Alors voilà, tout le décor et toute la réalisation est au service de l'histoire et contribue à façonner cet univers un peu intemporel, mais en même temps quasiment parfait. Bah justement, les décors, les voitures, tout est froid quand même dans ce futur. La couleur, qui est tout carré, tout parfait. À l'image, il y a une couleur, la couleur est terne, qui fait très terne, très pâle, qui déjà fait pas très vivant en fait. Après, tout ce qui est environnement... C'est assez curieux parce que par moments, on les voit où il y a une foule, il y a beaucoup de monde, et d'autres moments, on dirait qu'ils sont sous le monde. C'est assez curieux. C'est quand ils sont au badge, à la pointeuse au début, tu fais « Ouais, il y a vachement de monde !» Et puis au final, avec cette ambiance froide, déjà c'est assez flippant de voir cette ambiance froide, avec autant de monde qui sont un peu des moutons qui suivent de manière de manière simple. Purement romantique. Ouais, hein. Et puis ils se parlent pas tellement entre eux, quoi. À un moment où il y a même une scène qui est, pourrait dire, banale pour un film classique, c'est on voit Vincent qui regarde à travers la verrière les décollages des fusées. Décollage, ouais. Et il y a même Irène qui vient lui dire non mais regarde pas ces scènes-là, personne le fait, ça va être louche si quelqu'un te voit le faire. C'est toute une ambiance qui est intégrée dans ce film qui, comment dire, qui fait un peu de mal à l'aise. Bah, je sais pas trop si c'est le bon terme. En fin de compte, tout est, ouais, c'est si, ça, mais c'est en ça. Même temps, c'est, comment dire, tout le film est épuré comme la société l'est. Ils sont proches de la perfection, donc ils doivent être parfaits, même au niveau de la vie. L'excentricité n'est même pas tolérée, c'est sauf qu'elle n'est même pas envisagée. Donc, les gens, ils vont au travail. Quand tu le vois, la pointeuse, c'est l'heure de pointe. Le soir, les gens, bah, tu les vois pas non plus sortir à des heures indues ou se balader simplement dans la rue. C'est quelque chose de pas naturel, en fait. Ils ont, ouais, c'est une chose l'ambiance de pas naturel. Non. Et en fin de compte, c'est la société. Voilà. Bah, l'ambiance, voilà. Génétiquement. La société est comme ça. C'est boulot, dodo. On imagine qu'elle est naturelle pour l'époque, l'ambiance. Bah, pour en eux. Fait. Pour eux. Oui, pour eux. Pour la génétique. C'est boulot, dodo, perfection. Donc, tu, t'es pas excentrique, t'as pas envie, justement, bah, comme, tu expliques la scène, que les gens ne voient pas que t'as un comportement anormal qui pourrait avoir une incidence sur ta carrière, donc voilà, et la ville, les voitures, tout est frôle la perfection parce que tu dois l'être dans cette vie-là, et tu n'as aucune excentricité. Ah, il y en a une d'afficher, voilà. Il y en a une, le pianiste. Ouais. Le pianiste, avec son nombre de mains. Enfin, oui, son nombre qui est excentrique, mais c'est dans la perfection. Pour jouer au piano, avoir 12 doigts, ça aide. Mais certainement. Il y a une autre excentricité, c'est ils ont une salle de sport. Voilà. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, il faut savoir que quasiment toutes les scènes d'intérieur ont été tournées dans le même décor. Vous regarderez bien toutes les salles, les plafonds. Ça, je l'ai appris en regardant les bonus. Toutes les salles, tous les plafonds, c'est le même décor principal. Ils ont juste changé les meubles. Le hall d'accueil, la salle où il y a les bureaux, tout, c'est le même décor. Et c'est ce qui contribue, je pense, aussi à rendre cette atmosphère. On a l'impression à chaque fois d'être dans le même lieu, etc. C'est soutenu aussi par des contraintes qui étaient techniques. C'est qu'ils ne pouvaient pas faire trois décors. Ils ne pouvaient en faire qu'un. Et juste avec des éléments mobiles pour pouvoir changer la lumière, etc. Et il y a une excentricité, c'est dans la salle de sport, hein, donc qui se déroule dans le même décor. Dans la salle de sport, c'est la salle de sport qui est utilisée par des gens qui sont génétiquement modifiés, et pourtant, quand ils partent, ils laissent leurs serviettes partout. C'est une vraie porcherie. C'est-à-dire que le monde est parfait, oui, mais la salle de sport où il y a des génétiques, elle est dégueulasse, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. C'est vrai, ouais. Quand on le voit en tant qu'agent de ménage récupérer les serviettes, maintenant que tu... Ouais, c'est vrai que ça fait un peu... Ça fait des ordres. Même les casiers, justement, à côté de la salle de sport, c'est des vieux casiers. C'est pas des casiers tout modernes, tout futuristes. Oh, c'est un truc casier, vachement classique. Hein. Ouais, mais dans un univers aussi futuriste que celui-là, ça, c'est pas futuriste. Donc, je sais pas, dans un monde aussi impeccable, il doit y avoir un nid à microbes là-dedans. C'est clair, il aurait pu y avoir, ouais... des casiers stérilisés ou au moins avec une reconnaissance d'empreinte pour l'ouverture, des trucs comme ça, ou justement que le casier s'ouvre selon un code génétique, que tu as une petite piqûre comme à l'entrée et vas-y quoi, tu ouvres ton casier, mais c'est vrai que comme Dino disait, ouais, et en fin de compte c'est vrai qu'en réfléchissant, c'est là où est-ce qu'on voit le travail justement des enfants naturels, quoi, qui sont là, eux, pour justement ce monde et couvrir ce que fait les génétiquement parfaits, quoi. C'est vrai que ouais, c'est la seule c'est ce moment où c'est le bordel. ouais, c'est le boxon, quoi. Ouais, tout le reste est parfaitement propre, quoi. Mais c'est vrai que, comme Oasis, tu disais sur la musique. C'est pas un élément qui m'a vraiment marqué dans le film. C'est vrai que ça te plonge dans moi non plus, mais ah ouais, mais c'est à dire que c'est notamment quand j'ai fait le oui, je vais vous avouer, j'ai fait le montage de l'intro avant l'émission. Ah, très cher. Et donc j'ai pris le thème principal de Gattaca, et c'est en l'écoutant où je me suis dit qu'elle collait bien avec l'ambiance. Elle est assez, comment, elle fait un peu, je sais pas, majestueuse, c'est un peu ça, c'est un peu majestueuse, un peu, et elle colle bien avec l'ambiance. Je sais pas trop comment la décrire. Vous l'avez entendu au début de l'émission si vous nous écoutez encore à cette heure-ci. Et elle colle bien avec l'ambiance, avec l'image. Elle fait pas trop de chichi, elle c'est neutre aussi, mais elle est plutôt pas mal, j'ai trouvé. Elle est, je pense que je vais essayer de la trouver sur Spotify ou ailleurs pour la rajouter dans ma playlist de musique de Vim parce qu'elle est, elle est quand même sympa. Vous parliez des casiers, etc. C'est une contrainte liée au budget du film et en même temps c'est la chance du film. C'est que faut le rappeler, c'est un premier film du réalisateur qui est soutenu par une société de production qui est soutenue par Danny DeVito, mais c'est pas un énorme budget. Donc ils ont dû un peu ruser et c'est ce qui donne la patte du film et qui du coup, parce qu'ils ont été obligés d'essayer de faire du neuf avec du vieux, donc des vieux casiers, bah finalement dans cet univers-là. Quand on regarde aujourd'hui les tendances un peu en termes de design et de décor intérieur, c'est des espèces de trucs un peu coloniaux, etc., un peu industriels. Finalement, c'est pas si con que ça et c'est pas si peu futuriste que ça. Et en plus, ça donne un côté intemporel au film. C'est-à-dire que quand vous regardez le film, vous y reprenez deux fois pour regarder la date, quoi. Vous voyez de 97 l'année de tournage. Vous dites, putain, ce film, il a quasiment 20 ans, et c'est un film... Enfin, moi, je l'ai vu sur Netflix, donc en bonne définition. C'est un film qui a pas vieilli, quoi. Il est toujours, toujours d'actualité, quoi. À part les acteurs qui font un peu genoux pour certains, autrement, oui, ils font... autrement, ils passent plutôt bien encore, ouais. Ah non. Bah ouais, c'est un film futuriste qui est vachement avant-gardiste quand même pour l'époque dans laquelle il a été réalisé, bah, finalement. Mais maintenant... Et moi, je trouve que c'est quand même une très bonne critique de la société moderne actuelle. Mais maintenant, on pourrait encore imaginer que ce film pourrait être un truc futuriste. Alors pourtant, film est sorti il y a bientôt 20 ans, mais on pourrait encore imaginer que c'est une projection dans le futur. Alors je me suis pas renseigné là-dessus, mais je sais pas quelle est la volonté du spectateur, du réalisateur dans quel type de futur il voulait être, dans un futur de moyen, long, c'était comment plutôt. C'est au début, c'est dans un futur plutôt proche. La première phrase, c'est plutôt que de dire dans un futur proche, il dit dans un futur plutôt proche ou assez proche. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment, et c'est ce qui est, c'est un film qui est, c'est même plus de l'anticipation. Je pense que c'est un film, je le disais un peu plus tôt, c'est un film de vulgarisation. Quand on regarde, il sort en 97, le contexte, c'est Dolly qui vient d'être cloné, je crois que c'est 95-96. Ouais. On est dans la période où on est en train de faire le génome humain. Donc en fait, on n'est plus vraiment dans l'anticipation, on n'est plus vraiment dans de la science-fiction, on est dans la réalité. Les scientifiques à cette époque-là, les débats qui sont mis dans le film, c'est des débats scientifiques de l'époque. Qui aujourd'hui sont devenus réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants génétiquement modifiés, la culture entre guillemets d'organes, etc., à partir de cellules souches, c'est dans certains pays c'est pratiqué, ça pose des grandes questions internationales, mais on est déjà plus au niveau de on est vraiment au niveau du débat d'application et plus du débat philosophique, comme est dans le film. Donc c'est aussi ce qui rend le film un peu compliqué. Moi, j'ai eu un peu de mal à apprécier son côté novateur et révolutionnaire, puisque même si j'étais là en 97, j'avais 13 ans, et j'ai beaucoup mal à me remettre dans le contexte de l'époque. Et quand on part sur la génétique, l'histoire de la génétique, c'est on découvre l'ADN en 1950. En 1970, on arrive à la décrypter. Et 30 ans après, on arrive à la réécrire. Enfin, c'est super rapide. Et c'est vrai qu'on se dit, en 20 ans, il s'est passé tellement de choses dans ce film qu'aujourd'hui, ce film, quand on regarde aujourd'hui, il est même plus futuriste. C'est un film de la réalité d'aujourd'hui. Ouais, mais moi pour, à l'époque, je l'ai vu au cinéma. Donc, oui, je suis vieux. Oh la vache. Oui, tu veux que je te fie un petit coup de vieux? J'avais 4 ans quand il est sorti. Donc, à partir de maintenant, tu me vous vois. Et tu dis monsieur au début de chaque phrase. Moi, je me contente du vous vraiment, vas-y. Je te rassure. Mais là, j'ai été le voir au cinéma. Justement, moi, je l'avais trouvé futuriste, oui, mais comme tu disais, à l'époque, on avait ces questions et on ne trouvait pas très éloigné. Pour nous, c'était pas une non plus. Quand j'ai vu le film, avec les amis avec qui je l'ai vu, dans les conversations, c'était. On pouvait faire une projection dans les 20-30 ans à venir. Et au final, là, ce que tu dis, Dino, on le revoit actuellement, il est, pour moi, il est toujours aussi intemporel, et même s'il ne pose plus les mêmes questions, c'est comment dire, justement, même s'il est un tout petit peu moins futuriste, il pose toujours les mêmes questions, l'acceptation du, de la modification génétique. Mais, c'est des choses que désormais on est capable de faire, mais c'est justement parce que je pense qu'il n'est pas frontalement sur la question. Je pense qu'il est juste, voilà. Il se sert de ça comme décor et il parle à un... Enfin voilà, c'est encore ce que je disais au début. Mais il amène à la réflexion. C'est ça dans la chose que je trouve très intéressante, c'est qu'une fois que tu as vu le film, si tu es avec quelqu'un, tu vas parler du film et tu vas aussi parler de justement... Mais c'est parce que c'est, je pense que c'est tout simplement c'est le film... Si tu retires la génétique, il est classique. Enfin, tu peux très bien imaginer un film sur la ségrégation américaine. Tu fais juste ce décor de fond, la même histoire, les mêmes personnages, le même fonctionnement, le même scénario, et le film est tout aussi bon. Parce que c'est un scénario qui lui-même intemporel. L'histoire est en elle-même intemporelle. Mais sans vu le sujet qu'il a choisi, comme tu dis, si c'est t'es sur la ségrégation, à la fin de la séance, on se posera des questions sur la ségrégation. Et là, enfin, vu que c'est sur un apport de la génétique, ça nous pose sur les questions de manque qui sont encore actuelles. Peut-être que, justement, dans 10 ans, le film aura vraiment pris un coup de vieux, parce que, justement, on aura soit accepté ou soit refusé les questions auxquelles on doit répondre aujourd'hui sur la possibilité ou non des modifications génétiques. L'acceptation de la génétique dans notre quotidien, en fait. Et là, c'est le vrai questionnement. Mais en tout cas, ça reste un... Pour ma part, ouais, je trouve un excellent film. Je sais pas ce que ça a été pour vous. Vous conseillez ou pas? Pour ma part, je suis tombé dessus par Netflix, un peu dans les suggestions. Et j'avais entendu parler déjà une ou deux fois. Je m'étais dit, pourquoi pas, je sais pas. Puis là, je me suis dit, allez, je le lance. J'ai fini de voir le film, j'ai fait... mais il est génial, quoi. J'en suis ressorti complètement emballé, quoi. Il est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Je sais pas ce que vous en avez pensé pour vous. Eh bien moi, quand j'en ai pris connaissance, en fait, c'était sur un site de streaming, ah bien. Je crois. je sais, mais bon. Quand tu veux rechercher des films que tu ne connais pas, c'est le premier moyen pour te dire, tiens, ça c'est pas mal, on va essayer, et puis après on verra pour le trouver. Non, tu fais comme producteur, tu dépenses 15€ dans n'importe quoi, tu tires au hasard, et voilà quoi. Tu leur as fait gagner de l'argent. Non, t'as eu la bonne méthode. Mais bon, pour revenir sur Bienvenue à Gattaca, non, c'est un film, quand je l'ai vu la première fois, j'étais, pour reprendre le terme de William sur Gamecraft, j'étais fasciné, absolument fasciné par cette histoire de génétique, ce futur qui pour moi est tout à fait tangible et qui, justement, le problème va se poser dans ces années-là où est-ce qu'on va accepter la génétique, est-ce qu'on va pas l'accepter, est-ce qu'on va se retrouver avec une police... Qui ne jure que par la science ou pas. Et il y a quelques semaines de ça, j'ai discuté avec un collègue à propos de la génétique, parce qu'il avait lu un article à ce sujet, et je lui ai fait, tiens, tu devrais regarder Bienvenue à Gattaca, ça traite très bien du sujet, et en plus, comme c'est un film avant-gardiste, un peu futuriste, ça devrait te plaire. Et donc je lui ai passé, et puis il m'a dit, ah ouais, effectivement, c'est vachement bien, j'ai super bien adoré. Bon, par contre, il disait comme moi, on voit quand même que c'est un film à petit budget, ça se ressent quand même justement dans les décors, etc. Je pense que si ça se ressent gênant. Parce qu'on a été habitué en gênant du tout. Quand même un film qui a 20 ans, à des trucs avec des effets spéciaux de malade, quoi. Et je pense que c'est aussi ce qui fait... Pour le coup, moi, ça a été une découverte que ce soit un film à petit budget. Que ce soit un film à petit budget, que ce soit un premier film pour le réalisateur, un premier film pour certains des comédiens. Ça m'a un peu étonné, parce que je me disais, le truc est quand même très léché, etc. Il y a quand même du boulot derrière, il y a quand même de l'imagination. Et c'est sur ça que moi, j'accentuerais et que je conseillerais le film. Sur l'aspect génétique, voilà, je trouve qu'il va pas au bout des choses, mais je pense que c'est pas non plus l'objet d'un film que d'aller au bout des choses, et je pense qu'il y a beaucoup de cinéastes qui oublient qu'ils sont avant tout là pour faire des films et qui, du coup, font des trucs réflexion et compagnie. Alors, c'est un vrai film qui divertit, qui a une histoire, mais surtout là où le film, je le conseille, c'est, voilà, si vous aimez le cinéma et que vous aimez simplement observer un objet cinématographique, je pense qu'on a l'un des films qui est le plus réussi dans son ensemble, le plus harmonieux. La réalisation, la mise en scène, les décors, la musique, tout est au service de l'histoire, et c'est très très rare dans le cinéma d'avoir un film qui arrive à le faire aussi bien. C'est de ce point de vue-là, moi, je pense que c'est un film. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il est étudié dans les parcours cinéma. C'est l'un des, parce que les scolaires au lycée, ils ont des parcours, et notamment parcours cinéma, et c'est l'un des films qui est étudié lors des parcours cinéma, parce que voilà, c'est une référence cinématographique. Et le mec, c'est son premier film, quoi. Il faut dire qu'il est écrivain aussi là-bas, je crois. Oui, et ouais, le budget au final, ouais, ça représentait quoi, 35, 36 millions de dollars, est-ce que j'avais lu, donc c'est rien. Je me suis pas renseigné sur ça. Oui, 36 millions de dollars, effectivement. Le moindre film, on va dire, ouais, un petit peu futuriste ou autre, tu pars sur la centaine de millions. Et à l'époque, tu compares le poids lourd à l'époque, c'est Titanic, quoi. Ouais. Pour ça, quand tu as de budget, c'est plus sur la même chose, quoi. Titanic, Independence Day ou autre, ouais, et c'est Titanic, pas vraiment lui, le même type de budget, c'est clair. Et Independence Day aussi, d'ailleurs, a énormément de Je sais pas, je l'ai jamais vu. Voilà, Titanic. Oui, il dit quand même. J'ai jamais dû faire l'affiche Titanic, je suis là. Non, bon. Ah, bah, je sais pas là. C'est loin d'être dans les priorités, mais je me l'interdis pas dans 10 ans. Je serai peut-être plus vraiment là. Quand t'auras fait le tour de tous les films, ouais. Ah, bah ouais, non, mais je suis né en 1800. Ah, ouais, t'es si vieux que ça. Je vous avoue, je commence à compter il est pas un peu loin de moi. Je suis après à lire les hiéroglyphes. Ah, entre Dino, Kenton, le podcast est plein de vieux, vous le savez pas, mais on est plein. J'arrive à m'intégrer dans les vieux, ça, je me fais peur. C'est vrai que c'est assez fou d'avoir autant de, entre guillemets, vieux. Bah, moi, podcast. Je m'en fous, j'ai toujours été vieux. D'où le pseudo Dino Dinosaur. Dis Dinosaur. Moi, la blague sur Seven, je l'ai faite avant l'enregistrement. Et elle était moins méchante. Bah ouais, mais moi, j'en profite. Bah. Je fais tourner, je fais partager avec les autres. Mais tu vois, le côté positif, c'est que j'ai toujours été vieux dans le monde du podcast. Que vous allez devenir vieux dans le monde du podcast. Ouais. J'avais envie de dire, t'as il y a de la marge, mais oui, t'as raison. Ouais. Même en dehors oui, du monde du podcast. Voilà. Ouais. Bon, et bah sur ce, je vous dis bah, je pense qu'on a fait un bon tour du film dans sa globalité. Donc bah, merci messieurs d'être venus m'accompagner pour cette émission qui a quand même duré, je pense qu'elle fera une heure au final avec le montage, c'est quand même pas mal. Donc bah sur ce, on va faire un petit tour de où on peut vous retrouver sur les internets. Oula, alors on va commencer par Dino. On peut me retrouver sur onachèvebienlesendives.fr, un podcast que j'anime et dans lequel vous avez tous les deux été invités à deux reprises. Et vous avez tous les deux été filles conformes. Voilà, c'est un podcast généraliste. Voilà, donc onachèvebienlesendives.fr, ouais. C'est là où vous retrouvez les podcasts. Et puis sur Twitter, c'est les comptes Twitter de onachèvebienlesendives. Mais mon compte personnel, c'est @dinoscope. Et puis je fais quand même une petite mention parce que j'ai été longtemps animateur dans ce podcast. C'est le SAV de Life, hein. Voilà, @SAVF1. Voilà, si vous aimez Life1, si vous avez des vieux souvenirs de Life1, si vous aimez le GP2, vous pouvez aller écouter le SAV de Life1. C'est sur SAVF1.fr. Le SAV de là F1, c'est une touche F1 sur ton clavier, tu regarderas bien. Ah ouais, le truc qui disparaîtra dans quelques années, tu sais. Par l'endurance et GP2. Et j'en profite, merci Oasis pour l'invitation et pour cette excellente habitude. J'aime bien failloter, je suis très... Ah, de rien. Seven, où est-ce qu'on te retrouve? Eh bien, moi, on me retrouve sur ma chaîne YouTube, Mr7DD. Ouais. Ou alors, on me retrouve aussi tous les jeudis en live dès 21h sur la chaîne de Kenton57, dans l'émission Gamecraft, où on te retrouve aussi... Eh bah oui, on retrouvera dès demain le jour où on enregistre. Je vais essayer de sortir l'émission pour demain matin. Je pense que j'ai réussi à le faire. Et puis bah autrement, Steph Core, on te retrouve où également? Il y a au 26 rue. Sur internet, c'est ça. on peut me retrouver sur Twitter. @StephCore. Dans le dernier épisode de On achète bien les endives. Où j'ai eu la chance d'être invité et demain sur le live de Gamecraft du podcast Gamecraft que donc j'essaie d'être présent toutes les semaines. Mais comment vous faites dans les commentaires? Les mecs sont en podcast le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. T'avoues que ma moyenne de podcast en ce moment, c'est 3 par semaine. Ça commence à faire beaucoup. Et non, moi... Entre... Excuse-moi, Oasis. Non, je disais entre les Lâchez vos coms, Gamecraft, les bah là à l'affiche, ou des fois on achète bien les endives, ou des Queen Novice, enfin, non, il y a beaucoup. On achète bien les endives, c'est pas long, alors ça va. Non. Oui, si je voulais terminer par dire, bah moi aussi, donner un petit coup de regard sur le podcast du SAV de la F1, parce que là, je remercierai jamais Didier après qu'on ira à Cédino, parce que c'est grâce à Nido que j'ai mis le pied. Vraiment dans qu'on le podcast, j'ai eu la chance de pouvoir participer au SAV. Ouais, ouais, c'est clair, mais non, mais c'est vrai, quoi. Ça commence à se voir, même sur Twitter, ça commence à se voir. Mais non, j'ai eu la chance de commencer dans le podcast grâce à Dino, et j'en remercierai jamais assez. Et non, le SAV de la F1 reste une référence absolue sur le podcast de la F1, du sport automobile, même dans les rares podcasts sur le sport automobile en général. Et puis allez les encourager à faire autre chose, parce qu'ils ont, ils ont plein de talents. Ils parlent très bien de F1, mais ils parlent très bien d'autres choses. Donc allez les encourager à grandir la communauté des podcasts. Exactement. Exactement. On pourrait parler de tout, gynécologie, séries. On en connaît un qui est très bon en fichier sait, PDF. Vous avez un problème de règlement. Ah, n'hésitez pas à l'appeler. En tout cas, ouais. Bon, alors, entre ces derniers quelques digressions, donc vous pouvez retrouver, on va conclure l'émission quand même. Donc vous pouvez retrouver donc à l'affiche sur l'émission à l'affiche sur Twitter @à l'affiche PDC tout attaché. Vous nous retrouvez également sur PodCloud @à l'affiche PDC.fr. On est également diffusé sur Pod Radio sur le canal Gamma. N'hésitez pas également à aller voter pour nous pour les Pod Radio Podcast Awards quand les votes seront ouverts. Et j'avais une autre annonce à faire, mais c'est pas encore effectif, donc je la retarde à une future émission. Non, moi je vends un grip, hein. C'est ça. Et je vends aussi un DVD de Bienvenue à Gattaca. Donc si certains sont intéressés, je suis même prêt à l'offrir. Ah, ça m'intéresse. Ah non, oh. À l'offrir à un des auditeurs. Ah, j'écouterai alors. Bon, et bah, sur ce, je vous dis merci messieurs d'être venus. Merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés. Et puis, bah, rendez-vous à la prochaine émission. Hein. Bonne soirée, salut. Salut.